moment. Quel record, quelle performance, bravo. Dites-nous comment on se prépare à Paris 2024. Il n'y a pas de secret, c'est de l'entraînement, mais le plus important, c'est de bien s'entourer. C'est pour ça que je suis passé chez EDF en début de saison. Passez une rentrée de champion avec EDF. Jusqu'au 10 septembre, ouvrez un contrat d'énergie chez EDF, fournisseur officiel d'électricité renouvelable des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Et tentez de remporter vos places, dont deux pour la cérémonie d'ouverture. Infos et conditions sur edf.fr/une-rentrée-de-champion. L'énergie est notre avenir, économisons-la. La conversation scientifique par Étienne Klein. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'une controverse ? Bonjour à tous, je suis bien heureux et très honoré de vous retrouver pour une nouvelle saison de la conversation scientifique tous les vendredis de 16h à 17h. Je recevrai chaque fois un, une ou plusieurs invités pour converser autour d'une question ayant à voir de près ou de loin avec les sciences et les technologies. Notre thème d'aujourd'hui, c'est la controverse. On la définit en général, c'est le dictionnaire qui le dit, comme étant une discussion suivie sur une question motivée par des opinions ou des interprétations divergentes. Cette façon de présenter la controverse ne dit toutefois pas ce qui la distingue de la dispute, du débat ou encore de la querelle, ni d'où il vient que certains sujets engendrent la controverse plus facilement que d'autres, ni quels sont les types de faits, d'événements ou de circonstances qui finissent par y mettre fin. Bref, notre ambition du jour sera de répondre à cette simple question: comment donc naissent, vivent et meurent les controverses? Pour y répondre, j'ai le plaisir de recevoir le premier invité de ce que je pourrais appeler du coup notre controversation scientifique. Bonjour Mathias Girel. Bonjour Étienne Klein. Vous êtes philosophe, maître de conférence à l'École Normale Supérieure de Paris Sciences et Lettres. Vous êtes membre du COMETS, le comité d'éthique du CNRS, et vous vous intéressez depuis plusieurs années aux doutes fins, aux doutes manipulés, aux controverses artificielles et à ce qu'on appelle désormais la fabrique de l'ignorance. Et d'ailleurs à ce sujet, vous avez fait paraître en 2019 un livre intitulé « Science et territoire de l'ignorance, science au singulier, territoire au pluriel ». J'ai une première question à propos, Mathias Girel, de votre travail de thèse qui portait, je crois, sur le pragmatisme. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'on appelle en philosophie le pragmatisme, sachant que je me doute que c'est autre chose que d'avoir le sens pratique? Oui, c'est effectivement autre chose que ce sens ordinaire du pragmatisme. On peut dire, pour le faire assez brièvement, avant de parler des controverses, c'est un mouvement philosophique qui naît aux États-Unis dans le dernier tiers du 19e siècle et qui avait la particularité d'être animé, propulsé en grande partie par des hommes et quelques femmes qui avaient tous, disons, un pied dans une pratique scientifique ou concrète, des chimistes, géodésistes, astronomes ou des juristes ou des psychologues, et puis aussi des questions de philosophie de la connaissance. Et leur intérêt, c'est effectivement de confronter les notions de philosophie de la connaissance à la pratique de la science, à la pratique de ce qu'ils appellent l'enquête, et donc pour essayer de raffiner, de préciser nos notions de philosophie de la connaissance. Alors, évidemment, on pourrait en dire beaucoup plus, mais en tout cas, ce serait, disons, le signe... Mais ce serait donc une sorte de philosophie des sciences de terrain ? Informé par le terrain, qui peut parfois charrier avec elle beaucoup de métaphysique. Peirce, par exemple, Charles Peirce, qui était un des pionniers du mouvement, s'intéressait énormément à la métaphysique. D'autres avaient beaucoup moins ce goût-là. Mais il y avait l'idée, effectivement, qu'il fallait penser ce qui se faisait dans les sciences. Si notre épistémologie, c'est-à-dire notre philosophie de la connaissance, ne correspondait pas à cette pratique, il fallait la réviser. Et donc, ils ont cette intuition-là, qui est centrale chez eux, plus une réflexion assez acérée sur les conditions de la science. On ne peut pas mener de la science de manière totalement solitaire. Il faut des collectifs, parfois des conditions institutionnelles. Et donc, ce serait... il y a beaucoup d'autres points communs entre eux, mais ce seraient les deux points communs que je mettrais en avant. Mathias Girel, est-ce qu'il y a un lien direct entre cette thèse que vous avez faite sur le pragmatisme et les questions qu'on va débattre aujourd'hui, celles de l'ignorance, de la controverse, du doute. Alors oui, sur la question de l'ignorance, il y avait un lien qu'on avait pu un petit peu explorer d'ailleurs dans le passé, qui est que dans un premier volet de ma recherche, je m'étais intéressé à la manière dont la connaissance est produite dans et à travers l'enquête. Et voilà, de proche en proche, ça m'a conduit à me demander ce qui permet à une connaissance de disparaître, d'être fragilisée, voire d'être détruite, pour essayer de voir l'autre aspect de ce phénomène. Et donc ça, c'est évidemment un lien très fort entre les deux moments de ma recherche sur la controverse. Bon, il y a un certain nombre de controverses au moment de l'éclosion du pragmatisme. Hein, je le rappelle, ils ont en gros à partir des années 1860 et puis la fin du premier âge d'or, c'est 1914. Bon, c'est au lendemain, de la guerre civile américaine. Donc, qui plus qu'une controverse, c'est une guerre. Il y a la controverse autour du darwinisme, puisque l'origine des espèces a été publiée en 1859. Donc, il y a des affrontements scientifiques et sociaux aussi. Très très vif à cette période-là. Mais je me souviens que dans ce livre dont j'ai donné le titre tout à l'heure, Science et territoire de l'ignorance, vous disiez une phrase, vous écriviez une phrase qui m'avait un petit peu surpris, voire choqué. Vous disiez, ce serait absurde de dire qu'Archimède ignorait l'existence du boson de Higgs. Et pourtant, il est bien vrai qu'il l'ignorait. Oui, alors je pense que dans ce cas-là, il faut que je précise ce propos. Je pense que je parlais plutôt des Égyptiens ou de nos ancêtres du néolithique, mais si vous voulez l'argument. Ah non, vous aviez parlé de Archimède. Archimède peut-être. Mais l'argument elle-même, c'est-à-dire que si on se contente de définir l'ignorance comme ce que l'on ne sait pas, eh bien, on va aplatir toutes les ignorances. C'est-à-dire ranger, englober tout le monde dans le même état. Et si vous voulez, si je prends un autre exemple, alors puisque le boson de Higgs nous est très contemporain, mais disons les lois qui décrivent la trajectoire des planètes autour du Soleil, dites lois de Kepler. Bon, ne pas les connaître avant Kepler, c'est dans le même état que tout le monde, à peu près. À l'époque de Kepler, eh bien, c'est ne pas faire partie de l'élite scientifique. Et aujourd'hui, c'est tout simplement ne pas avoir assimilé le programme du secondaire ou de l'enseignement scientifique assez précoce. Et donc, si on définissait comme ça abstraitement l'ignorance comme une absence de savoir, eh bien, on rangerait exactement dans la même rubrique ces trois ignorances qui me semblent assez différentes. Et donc, moi, dans le livre, puisque vous le rappelez, j'essayais de distinguer un petit peu ces modalités. Il y a plusieurs façons d'être ignorant et elles se modifient au cours du temps. Oui, et en fonction de l'état actuel de la science et des questions ouvertes actuellement dans la science, je pense. J'ai oublié de le dire en vous présentant, Mathias Girel, mais vous dirigez une collection d'ouvrages aux éditions PUF qui s'intitule « Science dans la cité », avec plusieurs titres déjà parus, « Préparer l'imprévisible »,« Philosophie de l'océan »,« Le nouvel esprit biologique ». C'est quoi l'idée d'une telle collection? L'idée, c'est de... déjà, c'est une collection que je co-dirige avec ma collègue Marie Gaille. C'est l'idée de prolonger un petit peu la réflexion sur les sciences, en voyant notamment dans quel cas, par exemple, des réflexions, des notions scientifiques peuvent intervenir dans des débats sociaux, donc dans la cité. Là, vous avez mentionné un certain nombre de titres. Enfin, on a un très grand nombre de thèmes dans cette collection. Il y a une philosophie de l'océan. Qu'est-ce que ça fait de faire une transatlantique? Qu'est-ce que ça nous apprend sur la géographie, sur le monde, sur notre rapport à l'environnement? Thierry Hockey... C'est pas l'océan qui fait de la philosophie. Mais ça rend philosophe, sans doute. Enfin, si vous lisez Roberto Casati, le génitif est à prendre, effectivement, en un sens particulier, mais ça rend philosophe. Nouvel esprit biologique, que penser de toutes ces révolutions biologiques opérées dans les 30-40 dernières années? Frédéric Heck, l'idée, c'était aussi de dire, les sciences dans la cité, c'est aussi les sciences sociales, et c'est un très beau volume sur Lévi-Brulle, Préparer l'imprévisible. Et là, si je peux me permettre de faire une petite annonce, on va sortir dans quelques semaines, peut-être quelques jours, un très très beau livre d'Anne-Marie Moulin, à la fois philosophe, historienne, médecin, sur la vie avec les virus, et donc il y a une réflexion encore à chaud sur la pandémie, et notre qui va être originale, parce qu'elle dit des choses très profondes sur notre rapport au virus, et le type de vie qu'on peut organiser dans ce cadre-là. Mathias Girel, il est temps d'en venir à notre sujet proprement dit, la controverse. Le mot controverse, est-ce que vous savez dater son... son apparition. Non, je ne suis pas. Je l'avais regardé. Je ne serais pas le champion de l'étymologie de ce point de vue-là, parce qu'il faudrait voir aussi à partir de quand on l'utilise pour parler de controverses scientifiques. Donc peut-être que vous avez identifié une période à la Renaissance. Oui, 16e siècle. Oui, 16e siècle. Alors, je vous ai entendu parler de la controverse, je ne peux pas le cacher, lors d'un festival d'astronomie qui s'est tenu au début du mois d'août à Florence, dans le Gers, et vous avez prononcé là une conférence introductive en développant cette question, qu'est-ce qu'une controverse ? Et vous avez commencé par expliquer qu'un désaccord sur un sujet ou sur un objet ne suffit pas pour faire une controverse. Oui. Alors qu'est-ce que la controverse a que le simple désaccord ou la dispute n'a pas ? Oui, parce que c'est vrai que le désaccord, si on discute avec des proches de ce qu'on va faire à dîner ce soir, par exemple, peut y avoir un désaccord. Pas forcément, on dira pas que c'est une controverse. Et encore moins une controverse scientifique. Non, mais juste pour qu'on sente la nuance quand même entre les deux attitudes. Et d'ailleurs, la définition que vous aviez... Ça reste à voir, parce que si le barbecue entre dans la discussion, ça peut faire oui, controverse. Oui, là, c'est une controverse politique, mais dans laquelle je vais soigneusement éviter de m'engager. Donc, désaccord n'est pas équivalent à une controverse. C'était peut-être un des défauts de la définition de dictionnaire, donc qui n'est pas la vôtre, qui est celle du dictionnaire. La rousse que vous avez donnée en entrée, c'est bon, ça cadrait un petit peu la controverse sur la discussion suivie. Il y avait l'idée d'avis divergent, donc on a l'idée de désaccord un petit peu, mais il me semble qu'il nous manquait des éléments qu'on peut retrouver ensemble en y réfléchissant. On la distingue souvent, la controverse, de la querelle qui peut porter sur des personnes, affrontement entre des personnes, ou peut-être je vais chercher à disqualifier la voix de l'autre en disant que il ou elle n'est pas digne de mener ce débat ou d'instruire ce débat, n'est pas assez qualifié. Donc on va plutôt se limiter dans ce cas-là au niveau de la querelle à un affrontement entre des personnes. Et puis le débat peut être plus pacifié. Il serait sans doute à distinguer de la controverse. Il peut converger vers une solution, vers un consensus, où le débat peut consister simplement à dire on a des avis un peu différents sur cette question-là, sur ce qu'il faut faire aujourd'hui en matière d'énergie, par exemple, de réponse aux défis climatiques. Là, on peut avoir un débat. Ce n'est pas forcément une controverse. Il me semble que on enclenche la controverse quand le désaccord devient intenable ou inconfortable. Et donc, pour qu'il y ait controverse, on peut enrichir ensemble cette définition, cette caractérisation. Il faut effectivement qu'il y ait un désaccord entre deux parties, deux camps, à propos d'un objet. Ça le distingue de la querelle, à propos d'un objet auquel... La querelle, c'est plutôt entre des personnes. Alors après, les notions n'ont pas une limite éternelle, a priori, comme ça, mais si on se penche vers l'usage ordinaire, la querelle va plutôt tendre dans le sens que vous évoquez. Alors que la controverse va engager plus spontanément un objet auquel on prête des propriétés contradictoires. Les espèces ont évolué ou n'ont pas évolué. Ces deux propriétés sont contradictoires entre elles. Ça, ce serait déjà deux premiers points et un point qui n'était pas pris en charge par la définition. C'est que dans les controverses qu'on étudie, en général, ce différend ou cette dispute ou ce désaccord entre les deux personnes ou les deux camps au sujet d'un objet ne peut pas être réglé à ce niveau-là. Et parfois, les sociologues vont dire que elle se déconfine, c'est-à-dire qu'elle s'étend vers un public plus large. Ça peut être les gazettes au 19e siècle, ça peut être les académies, ça peut être la presse, ça peut être le public. Mais il y a cette structure des controverses qui s'ouvre en général en direction d'un tiers qui est pris à partie et dont le concours est appelé pour essayer d'aider justement à trancher la controverse. Ça veut dire, Pierre Girel, que pour qu'un débat devienne controverse, il faut qu'il y ait une dimension publique à la discussion. Oui, ça, en tout cas, ça me semble vraiment faire partie de la notion. Après, ce public peut être éventuellement, dans certains débats scientifiques, peut être assez spécialisé, peut être assez segmenté, assez limité. Mais de toute façon, il faut que le débat s'étende à une sphère plus large que les deux seules parties en présence, puisque par hypothèse, elles n'arrivent pas à leur niveau à régler cette question. Et par exemple, dans les livres d'histoire des sciences, il y a souvent un chapitre consacré à ce qu'on appelle la querelle du vide, qui s'est déroulé entre 1645 et 1648 en France, à Paris par exemple, avec des gens comme Blaise Pascal, Gassendi et d'autres. Or, il y a eu des démonstrations publiques d'expériences concernant le vide, donc on devrait plutôt parler d'une controverse que d'une querelle. Les exemples que vous donnez sont plutôt mobilisés dans l'histoire des controverses. Vous évoquez Blaise Pascal, on peut évoquer aussi le beau livre de Schaeffer et Chapin sur Léviathan et la pompe à air, qui est vraiment sur la controverse Hobbes Boyle sur le vide notamment. Et effectivement, si vous prenez ce livre-là, ben il y a des arguments scientifiques, il y a des démonstrations publiques, des expérimentations faites en public. En général, on les cite dans l'histoire des controverses. C'est pas simplement un affrontement entre personnes. Il y a quelque chose qui est en question. Y a-t-il du vide dans la partie supérieure du tube rempli de mercure en bas, par exemple? Enfin, on s'interroge bien sur un objet et pas simplement sur un désaccord entre des opinions. Alors, qu'est-ce qui fait que certains sujets engendrent plus facilement que d'autres des controverses? Vous avez parlé tout à l'heure du boson de Higgs qui a été détecté pour la première fois en 2012 après avoir été prédit par des théoriciens 48 ans plus tôt. Il n'y a pas eu de controverse, personne n'a contesté ce résultat. Alors que sur le climat, on voit que, bien que la contribution humaine à l'évolution du climat soit établie scientifiquement depuis fort longtemps, la controverse continue d'exister. Alors oui. Qu'est-ce que le climat a, pour le dire simplement, qu'est-ce que le climat a que le boson de Higgs n'a pas ? D'accord. Je pense qu'il y a deux niveaux de réponse à votre question. Il y a un premier niveau qui est sans doute assez général, c'est que, a priori, à l'avance, il est très difficile, en général, de savoir ce qui fera controverse. Un sociologue comme Francis Château-Renaud parle de balistique dans ces cas-là. Alors lui, c'était plutôt à propos du lancer d'alerte. On ne sait jamais quand une alerte va prendre, en fait. On ne peut pas le dire à l'avance. Il est possible qu'on retrouve ce même caractère pour les controverses. C'est-à-dire, elles vont agréger un public plus large ou non, pour des tas de raisons qui peuvent tenir à l'objet, mais qui peuvent tenir à l'actualité aussi, à d'autres questions qui se posent dans la société. Cela dit, pour faire droit à votre question plus en détail, il faut qu'on revienne sur cette idée d'objet de la controverse. Il est possible que il y a plusieurs objets de la controverse en même temps. Je vous donne un exemple, si vous le permettez. Quand on a parlé de controverse, je parle même avant le Covid, de controverse autour de la vaccination. Il peut y avoir des gens qui pensent qu'il y a une controverse autour du principe vaccinal ou de la sécurité des vaccins. Mais parfois, la controverse, qui est difficile parfois dans les arguments à distinguer de la première, c'est de savoir si l'État ou la sécurité sociale peut me forcer à me vacciner. Et parfois, si vous êtes contre le principe de l'obligation vaccinale, ça peut vous conduire à rentrer dans une controverse sur la sûreté ou le bénéfice-risque en matière de vaccins. Et donc, ce qu'on voit, c'est que là, dans l'exemple que je viens de donner, il y a deux objets possibles de la controverse et qui parfois sont confondus dans le débat public. Donc, sécurité et puis bien fondé de l'action politique. Dans le cas du climat, il est certain que ce qui a donné son acuité disons au climato-scepticisme, c'est le fait que si on prend au sérieux ce que nous disent les chercheurs en sciences du climat et l'expertise qui est condensée notamment par les experts du groupe 1 du GIEC qui font le point sur les avancées scientifiques, c'est qu'il va falloir changer beaucoup de choses dans notre rapport à l'énergie, à l'urbanisme, et tout le monde n'est pas forcément disposé à faire cet effort. Et donc, dans ce cas-là, la connaissance climatique, elle change quelque chose pour vous, elle remet en question votre mode de vie, éventuellement. Et c'est ce qui peut lui donner, avant même qu'elle soit éventuellement instrumentalisée, c'est ce qui peut lui donner une acuité tout à fait certaine. Elle va changer quelque chose dans votre mode de vie, et donc vous êtes interpellé, vous êtes pris à partie par cette controverse. Maître Girel, j'ai trouvé dans le Léviathan, le fameux livre de Thomas Hobbes, une phrase qui dit à peu près la même chose, et vous me direz si elle coïncide avec votre propos ou non. Voilà ce qu'il écrit. « La doctrine du juste et de l'injuste est perpétuellement disputée, tant par la plume, que par l'épée, alors que la doctrine des lignes et des figures ne l'est pas. Dans ce domaine, en effet, quelle que peut être la vérité, les hommes n'en ont cure, car elle ne contrecarre l'ambition, le profit ou la concupiscence de personne. » Mais je ne doute pas que si elle eût été contraire au droit de dominer de quelqu'un, la doctrine selon laquelle les trois angles d'un triangle sont égaux aux deux angles d'un carré eût été sinon controversée, du moins étouffée par la mise au bûcher de tous les livres de géométrie, pour autant que cela eût dépendu de celui à qui cela importait. Autrement dit, il n'y a pas de controverse quand un résultat scientifique correspond à quelque chose dont on se fiche. Oui, c'est une manière de résumer la très belle citation de Hobbes que vous... Mais est-ce que ça veut dire qu'on se fiche du boson de Higgs? Mais pas forcément. Enfin, en fait, la question qui est sous votre question, c'est de savoir s'il y a des connaissances indifférentes. Ah, c'est possible qu'il y en ait ponctuellement, mais c'est assez difficile de savoir ce qui va être indifférent. Je prends un exemple, il y a une controverse qui, à ma connaissance, n'est pas encore close, sur l'origine Du virus. Du SARS-CoV-2, donc du virus du Covid. On pourrait dire que c'est une pure question scientifique, de virologie, c'est quand même une question vive parce que ça va déterminer si c'est plutôt côté zoonose ou si c'est plutôt côté négligence. Ça détermine des responsabilités radicalement différentes, sans doute des précautions à l'avenir radicalement différentes. Si c'est côté zoonose, quel type de précautions on prend vis-à-vis de l'élevage, vis-à-vis de la prospection d'espèces sauvages, d'animaux sauvages. Si c'est plutôt du côté du laboratoire, qu'est-ce qu'on fait avec tous les laboratoires qui mènent des recherches différentes? Et donc ça, on peut pas forcément le savoir a priori en regardant une connaissance comme ça. Si elle est, disons, instrumentée ou mobilisée dans un débat social, elle va devenir vive. Et ça, il est très difficile de faire une prédiction à l'avance. Alors, je pense que, disons, la somme des carrés, des côtés, du triangle ou ce genre de connaissances, je ne vois pas quelle vive controverse publique va naître de cette question-là, mais sur d'autres questions, regardez les principes de production d'énergie nucléaire, c'est une pure question scientifique, et puis avec d'autres, beaucoup de sciences, physique des matériaux, etc. On voit très bien, après, le type de dispute ou de discussion qu'il peut avoir, que ce soit sur le nucléaire civil, le nucléaire militaire, de défense ou d'attaque. Il peut y avoir un lien entre ces deux domaines, mais qui n'est pas donné à l'avance, je pense. Mais le fait que des controverses existent médiatiquement, donc publiquement, est-ce, selon vous, un bon indice de la santé d'une démocratie ou d'une société en général? On a parlé de l'objet et parfois du double objet des controverses. Je pense que je pourrais y revenir si ça vous intéresse. Je dois quand même préciser la raison pour laquelle je vous pose la question. C'est qu'Olivier Garcia m'a signalé que l'anagramme de controverse médiatique, c'est nervosité démocratique. Oui, nervosité démocratique. Est-ce que c'est un signe de nervosité ou est-ce que c'est un signe de santé mentale? Oui, mais justement, ce que j'étais en train de dire, c'est que de la même manière qu'on a commencé à distinguer les objets de la controverse, et je pense qu'il faudrait qu'on y revienne un petit peu plus tard, je pense qu'il faut regarder la dynamique des controverses. C'est-à-dire, la controverse, c'est jamais un état instantané isolé. Elle s'étend dans le temps, ou éventuellement, pour réemployer le même vocabulaire que tout à l'heure, parfois elle se reconfine sur une communauté scientifique donnée, qui va trancher la question, qui dit, le consensus penche plutôt de ce côté-là maintenant. Et donc, on peut pas être indifférent au devenir d'une controverse. Et donc, en lien avec votre question sur la nervosité démocratique, si certaines controverses, disons, n'introduisent que de la confusion, et n'amène pas, disons, à évoluer vers une position ou à accroître notre connaissance, dans ce cas-là, effectivement, on peut imaginer qu'il y a un aspect délétère ou nuisible de ces controverses qui vont nous éloigner d'une décision ou d'une vision un peu éclairée des sciences. Mais là encore, c'est difficile de le savoir à l'avance, puisque on peut avoir des contestations de résultats scientifiques ou d'usages technologiques qui ne viennent pas forcément, disons, des spécialistes de la spécialité ou des scientifiques patentés du domaine. Donc dans ce cas-là, la question, c'est comment on maintient un pluralisme minimal qui fait qu'à partir du moment où il y a des décisions fondées sur les sciences mais qui motivent ou qui étayent des décisions politiques et que je suis concerné par les conséquences, est-ce que j'y vois au chapitre ou non, c'est une vraie question démocratique. Donc comment est-ce qu'on maintient une certaine forme de pluralisme sans paralyser l'activité de recherche et d'accroissement de la connaissance? Et là, on est vraiment dans une question de dynamique. Il faut regarder quels sont les acteurs, vers quoi évolue la controverse. Mais Mathias Girel, il peut y avoir des cas où il y a un désaccord sans qu'il y ait de controverse. L'exemple qui me vient à l'esprit, c'est le fait que, par exemple, il n'y a plus de controverse scientifique sur la forme de la Terre, si tant est qu'il n'y en ait jamais eu. En revanche, il y a, en tout cas c'est ce qu'on dit, des platistes tout autour du globe, si j'ose dire. Et donc comment est-ce qu'on peut expliquer le fait qu'il n'y ait pas de controverse scientifique et pourtant dans la population un désaccord assez fondamental? Oui, mais là, je pense qu'on est avec les platistes. Moi, j'ai longtemps cru, disons, à une forme de canular, c'est-à-dire que personnellement, je n'en ai jamais rencontré, mais j'ai vu ce type de questions posées dans les mêmes amphithéâtres que vous, je crois. Enfin, plus à la manière d'un défi ou d'une question, mais en tout cas, on entend venir ce genre de questions. Mais bon, j'ai pas vu, disons, de programme de recherche platiste demander, disons, des financements au Conseil européen de la recherche ou à l'Agence nationale de la recherche. Donc, ça reste quand même une contestation très timorée et très périphérique. Je pense que dans ce cas-là, ce qui est intéressant, quand on a une contestation de la science, et là, bon, dans le cas des platistes, ce serait une contestation de l'astronomie, de l'exploration spatiale, du témoignage agrégé de tous les pilotes d'avions en haute altitude, etc. Enfin, je veux dire, ça va assez loin quand même dans la contestation. Et ben, faut voir le type de contraintes que ces gens-là se donnent. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a eu des rétractations, des rectifications dans la littérature platiste? Est-ce qu'ils tiennent compte des objections qui leur sont adressées? Et dans ce cas-là, on verrait sans doute, même au niveau du comportement de cette communauté, de la dynamique de cette communauté, des choses assez différentes de ce qui doit marquer normalement la recherche scientifique, c'est-à-dire une prise en compte des objections, une réponse aux objections, un certain nombre de méthodes, de normes partagées, dont les platistes s'écartent. C'est ce que vous voulez dire dans votre livre quand vous écrivez, Mathias Girel, que le discours critique doit dire ce au nom de quoi il critique. Est-ce que c'est ça que vous êtes en train d'expliquer? C'était un des aspects, là c'est difficile, il y avait tout un contexte argumentatif, mais je pense comme Peirce que douter c'est avoir une raison de douter. C'est-à-dire un doute seul ne suffit pas. Et de fait, on est toujours dans notre sujet, puisque une controverse peut consister à exprimer des doutes face à la position opposée. Mais le doute suffit pas, parce que s'il est tout seul, c'est une forme de cri ou d'interjection. Le doute intéressant, c'est le doute qui est fondé sur des raisons, qui dit « je doute de votre conclusion parce que votre protocole expérimental n'est pas bon, parce qu'il y a une publication qui est opposée à vos conclusions ». Et dans ce cas-là, on rentre dans l'examen des raisons et des arguments, et on fait quelque chose de très différent. Et donc je pense que c'est ce qui était en jeu derrière la phrase que vous venez de citer. Et alors, venons-en à la question qui était dans le chapeau de l'émission. Qu'est-ce qui finit par mettre fin à une controverse? Est-ce qu'il y a des controverses qui n'ont pas de fin? Est-ce qu'elles... Il y a des philosophes et des sociologues qui sont intéressés à la clôture des controverses. Et là encore, Bruno Latour, par exemple. Oui, mais pas seulement. Il y a toute une typologie. Je pense à Tom Beauchamp, ou on prononcerait Beauchamp peut-être en anglais. Et donc, il y a différents cas. Parfois, Thierry Beauchamp acquiesce. Parfois, la question peut être tranchée par la science, par la méthode scientifique. J'ai un exemple en tête. Vous vous rappelez sans doute l'épisode de la controverse autour de la fusion à froid, autour de Ponce et Fleischmann, donc à l'université de l'Utah, et pendant 3-4 semaines, tout le monde se demande s'il est possible d'avoir effectivement une réaction de fusion, alors à froid, disons dans les conditions normales de température et de pression. C'est une controverse quand même, parce qu'il y a beaucoup de choses, il y a des intérêts en jeu, il y a des questions scientifiques en jeu, personne n'arrive à reproduire l'expérimentation, le dispositif expérimental, se crée une deuxième controverse là-dessus, qui est que les deux scientifiques en question accusent les autres de mal s'y prendre, de ne pas savoir charger correctement en l'occurrence c'était des cathodes en palladium. Finalement la question est tranchée assez vite, en quelques semaines, même si ce type de sujet resurface de temps en temps en science. Parfois c'est le désintérêt. Beauchamp parle de mort naturelle dans ce cas-là. La question n'est pas totalement tranchée, mais on n'a pas forcément les moyens de la trancher. Tout le monde s'en désintéresse, ou il y a une crise, une guerre, ou quelque chose comme ça. Mais c'était plutôt une controverse purement scientifique. Est-ce que le public a vraiment pris part aux discussions? Pour la fusion à froid, sans doute pas. Tout dépend de ce qu'on appelle le public, parce que là, les gens intéressés à cette question, c'était bien au-delà des physiciens et même des chimistes, en l'occurrence, puisqu'il y avait un chimiste là-dedans, puisqu'il est évident que la moindre université qui arrive à mettre un brevet là-dessus, si c'est possible, les intérêts sont absolument phénoménaux. Et on le voit chaque fois qu'il y a des découvertes annoncées semblables, le milieu économique s'intéresse forcément à ce type de découvertes. Mais donc, bon, là, on peut dire, effectivement, c'est la communauté scientifique qui a tranché la question. Parfois, il y a une mort naturelle. Parfois, ça peut être la censure. On avait intimidé Galilée en l'enfermant chez lui, en l'assignant à résidence. Bah, c'est une manière de clore provisoirement la controverse. Mais en disant, si vous prenez parti en faveur de cette opinion-là, bah, vous allez subir le même sort. Enfin, c'est pas totalement indifférent. Descartes garde un peu sous le boisseau un texte qui a des conclusions assez semblables à celles de Galilée pour ne pas, avoir d'ennuis majeurs. Et si la controverse s'arrête, est-ce que c'est parce que les scientifiques ont trouvé une façon de conclure qui les met d'accord, ou est-ce que c'est parce que le réel a tranché ? Ben, ça, c'est vraiment c'est une question profonde qui engage. C'est pour ça que je vous la pose. Je pense que vous avez réfléchi à ces questions-là, mais ça engage vraiment des questions de philosophie. Je pourrais peut-être, on peut se donner deux repères historiques là-dedans qui peuvent être utiles. Il y a une position qu'on appelle parfois la position réaliste, et je cite souvent à ce sujet l'historien des sciences écossais William Whewell, ou Yule, ça s'écrit W-H-E-W-E-2-L. Je voulais le dire, mais je savais pas comment le prononcer. Je préfère, mais on pourra mettre les références sur le site de l'émission si c'est possible. Et alors lui, il était très intéressé par les controverses, mais pour lui, les controverses sont une sorte d'auxiliaire, de roue de secours, elles servent uniquement à la clarification des notions, mais une fois que les notions sont clarifiées, bien voilà, nous avons des connaissances claires et adéquates sur le réel. Donc on peut dire c'est une position réaliste. Alors, en gros, c'est le réel et la nature qui vont trancher la controverse. À l'opposé, vous aviez des positions telles que celle de Bruno Latour dans les années 80, après ça s'est un petit peu nuancé ou complexifié, mais qui disait non, il n'arrive jamais que on tranche une controverse en disant la nature est avec nous ou le réel est avec nous. D'ailleurs, c'est quelque chose que vous verrez jamais dans une publication scientifique. Lui, il disait nous avons une image stable de la nature parce que la controverse, a été stabilisée dans le milieu scientifique. Et donc, on peut pas. C'est l'image qu'on a de la nature qui est stabilisée par le fait qu'on est tombé d'accord. Exactement. Le fait qu'on soit tombé d'accord détermine une image stable de la nature. C'est exactement ça. Donc le boson de Higgs, la controverse qui n'a jamais eu lieu est close parce que on est d'accord pour dire qu'il existe. Alors, évidemment, c'est une manière extrême de formuler la position qui était d'ailleurs ni celle de Latour ni celle de Michel Calon qui a beaucoup travaillé sur les controverses dans les années 80. Mais en gros, c'est les deux sensibilités. Et si on prend cette deuxième voie, après tout. Mon sentiment me porterait sur une version plutôt modérée de la première thèse, mais si on prend la deuxième thèse, qui fait davantage droit à la fabrique sociale de la science, comment est-ce qu'une question est tranchée ? C'est quand il y a une série de publications, de programmes de recherche, qui décrivent correctement le réel observable, qui répondent aux objections, qui ne suscitent pas d'objections plus graves des gens les plus compétents dans la discipline, et quand on estime qu'on a répondu à toutes les questions, on estime que la question est tranché, au moins provisoirement. Et donc, il faut peut-être arriver à tenir ces deux positions. L'intérêt des controverses, c'est quand même qu'elles révèlent toujours une dimension sociale de la science. Et quand je dis ça, je prétends pas que le réel est fabriqué magiquement par la société, par un pur décret, mais la communauté scientifique est une forme de société et elle est aussi prise dans la société. Et donc, il y a des forces qui agissent dans la controverse, sont des forces qui ne sont pas simplement appuyées sur des arguments scientifiques. Oui, ou qui ont une texture sociale, juste pour que ce soit pas abstrait pour nos auditeurs, auditrices. Il y a des controverses très vives, qu'il faut peut-être appeler d'ailleurs des querelles, mais en tout cas souvent on les appelle des controverses, de priorité en science. Qui a été le premier à découvrir Neptune ? Est-ce que c'est ce bon Le Verrier ou un Anglais ? Bon, etc. Enfin, on retrouve ça, périodiquement dans l'histoire des sciences. Mais ça, ce type de discussion, voire de controverse, il serait impensable sans le système de récompenses et d'honneurs qui a cours dans l'activité scientifique, qui fait que si vous êtes le découvreur de quelque chose, aujourd'hui peut-être vous allez avoir deux ou trois décennies après, mais un prix Nobel, des reconnaissances institutionnelles, et si vous êtes simplement trois semaines plus tard ou un mois plus tard, vous passez à côté de ce type de récompense. Ça, c'est le sociologue Merton qui a beaucoup travaillé là-dessus. Voilà bien une dimension sociale. Les scientifiques, quand ils se critiquent entre eux, ils critiquent leurs données, leurs résultats, mais parfois peuvent dire c'est typique de telle institution de défendre ce programme de recherche ou un tel a des intérêts auprès de tel industriel. Enfin, ce type d'argument n'arrive pas de l'extérieur des sciences. sciences, il est souvent fréquent en sciences. Et voilà, les sociologues des sciences estiment que les controverses nous ouvrent une fenêtre, littéralement, sur la fabrique de la science. Ils nous révèlent, d'un certain point de vue, comment les faits sont faits et quelle est la dimension, l'articulation sociale de la recherche. Alors, pour résumer le point de vue de Bruno Latour, on peut citer une phrase de son livre « La science en action ». Il écrit « Comme le règlement d'une controverse est la cause d'une représentation stable de la nature et non sa conséquence, nous ne pouvons jamais utiliser la conséquence, l'état de nature, pour expliquer comment et pourquoi une controverse a été close. » Oui, mais c'est ce que nous disions tout à l'heure. Oui. Est-ce que ce point de vue, à votre avis, vaut pour toutes les sciences? Ou est-ce qu'il y a des sciences pour lesquelles il est plus vrai que pour d'autres? Est-ce qu'il vaut pour la physique autant qu'il vaut, par exemple, pour la sociologie? Là, en tout cas, son propos était assez général, hein, et couvrait en l'occurrence aussi des recherches en biologie. Je pense que ce à quoi ces auteurs font droit, c'est à ce qui se passe vraiment sur les fronts de la science. Quand la science est en train de progresser, de conquérir un terrain nouveau, on parle parfois de flexibilité interprétative. C'est-à-dire que les mêmes données expérimentales, les mêmes observables, peuvent être expliquées par deux théories différentes. Si je prends un exemple un peu canonique, que je n'invente pas, puisque c'est Thomas Kuhn, le grand historien des sciences, qui l'avait développé, si vous maniez un pendule, si vous êtes un aristotélicien, vous allez voir un mouvement naturel contrarié. C'est-à-dire que vous avez un corps pesant qui tend à rejoindre le bas, son lieu naturel, et qui est empêché par la corde, la ficelle ou le câble. Si vous êtes Galilée ou Galiléen, en prenant un peu des libertés historiques, hein, eh bien vous allez plutôt y voir un mouvement inertiel, ce qui est plutôt en général le cadre dans lequel on introduit cet exemple en cours de science aujourd'hui. Mais bon, littéralement, vous avez le même pendule sous les yeux qui peut être décrit, interprété, par deux théories différentes. Et donc aujourd'hui, évidemment, on dit voilà un exemple de mouvement inertiel. Il y a des frottements, il y a des choses comme ça, mais en gros c'est une approximation. À l'époque de la découverte du mouvement inertiel, les choses ne sont pas si claires. La physique d'Aristote a aussi des vertus, explique certains phénomènes, et il n'est pas évident de trancher. Et je pense que si on veut lire de manière un peu charitable le beau livre de Science en action de Latour, je pense qu'il pense plutôt à ces moments-là, et non pas au moment où la science est tellement stabilisée qu'elle est dans ce qu'il appelle des boîtes noires, c'est-à-dire on s'appuie dessus, mais on ne rouvre pas cette boîte. On ne va pas remettre en question Newton, par exemple, dès qu'on va expliquer n'importe quel phénomène de chute des corps. On ne va pas redécouvrir ou réinventer cette théorie. Il fait partie de la boîte noire. En revanche, le mouvement des planètes peut constituer, alors c'est pas forcément une controverse, mais une question qui n'est pas close par cette théorie. On voit les explications différentes du mouvement de Neptune ou du mouvement de Mercure. Je me souviens que, parce que vous parlez d'astronomie, à Florence, lors du festival que j'évoquais tout à l'heure, vous aviez dit que dans toute étude de controverse, il faut rester attentif à l'articulation entre l'enjeu de surface et l'enjeu profond. Oui. Alors, ça veut dire quoi? Ce que ça veut dire, on est revenu à cette question du double objet de la controverse tout à l'heure. Et là, je vais à nouveau, j'espère que ce n'est pas trop cuistre ou pédant, mais je vais à nouveau m'appuyer sur Youell que je citais tout à l'heure, qui lui, tout en étant réaliste, était très sensible. Vous pouvez, parce que maintenant tout le monde le connaît. Lui, il était sensible à ce double aspect et il avait le sentiment, parce que c'était un très bon historien des sciences, et il avait étudié énormément de débats scientifiques, que souvent les termes du débat, si on s'y arrête, ne nous disent pas sur quoi porte effectivement la controverse. On peut dire un débat sur la définition de l'espèce, ou même du plan d'organisation, la controverse plus profonde, c'est la question de l'origine de la vie. Que Darwin n'entendait pas trancher dans son ouvrage. Mais c'est ça, cette question, l'objet sous-jacent. Et la variation qu'on va détecter ou non dans les espèces, dans les grands règnes, on va s'engager dans cette question sous-jacente. Si on est Darwin, on dit que l'idée que les grandes espèces soient telles qu'elles ont été créées dans le récit de la Genèse n'est pas, disons, une version tenable de la nature qui nous entoure. Et donc ça, c'est ce que j'appellerais, ce que Youell appelle une notion sous-jacente. Les controverses autour de la génération spontanée, dont nous avons entendu parler à Florence aussi, la controverse entre Pasteur et Pouchet notamment. Bon, bah, on voit bien ce qu'il y a derrière la question de cette origine spontanée de la vie. Il faut rester, disiez-vous aussi, attentif aux porteurs de découverte. La question étant, accepte-t-il les mêmes critères de preuve que ceux qu'il critique? Alors justement, j'avais une question à vous poser à propos de John Closer, qui est un physicien américain qui a eu le prix Nobel en 2022, en même temps qu'Alain Aspect, pour la découverte de l'intrication quantique. Et il a fait des déclarations assez fracassantes, expliquant que la climatologie était une pseudo-science. Est-ce qu'il accepterait, lui, que des climatologues critiquent les expériences de physique qu'il a faites et qui lui ont valu le prix Nobel? Est-ce que c'est une controverse? Est-ce que c'est simplement... J'ai pas l'impression que les résultats des sciences du climat aient été considérablement remis en cause par ces déclarations tonitruantes. Donc, je ne sais pas si ça s'est même étendu, disons, à l'étage, au niveau d'une controverse. En tout cas, ça a été diffusé largement dans la presse, dans les réseaux sociaux. Oui, mais on est revenu à ce que... Le fait qu'un prix Nobel dise que la climatologie est une fausse science est un argument qui, dans certains esprits, peut peser assez lourd. Oui, bon, il y a des prix Nobel qui ont fait des déclarations aussi, si je me souviens bien, sur le Covid. Ça n'a pas vraiment changé la compréhension du phénomène. Ça, après, c'est Oreski, c'est Conway dans le livre Les marchands de doute. Critiquait un certain nombre de physiciens de l'atmosphère, mais qui étaient très, très climato-sceptiques et qui s'appuyaient sur leur bagage scientifique et leur décoration scientifique pour critiquer les sciences du climat. Et Oreskes et Conway disent c'est un peu comme si on demandait son avis à un pilote de Boeing sur la construction d'un sous-marin. Un certain niveau de généralité, ça marche, on peut avoir des choses intéressantes, mais dès qu'on rentre dans des contraintes plus précises, c'est peut-être beaucoup plus imprudent. En tout cas, je ne rentrerai pas dans ce sous-marin-là, ça c'est certain. Donc la question des contraintes qu'on accepte quand on rentre dans une controverse, c'est un peu ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire si vous remettez en cause une conclusion scientifique ou des publications scientifiques, eh bien implicitement vous acceptez de jouer la même règle du jeu que ceux qui ont avancé les résultats. Voilà. Et derrière, si je peux revenir à cette question de l'objet de la controverse, parce que là on a principalement parlé de controverses scientifiques dans les exemples qu'on a pris, mais derrière se pose aussi toute la question des controverses qu'on pense instrumentaliser ou qu'on pense augmenter par certaines forces sociales, ce qui est encore une question. Et dans ce cas-là, leur objet à eux, de ceux qui animent la controverse, c'est de maintenir par exemple un accès au marché. Je vous donne un exemple. Au début du Covid, au moment donc où la pandémie faisait rage et où les États, disons, envisageaient de prendre des mesures de restriction de mobilité ou d'ouverture des lieux publics. Qui est-ce qu'on a vu très actif dans cette question-là pour critiquer toute mesure, disons, de contrôle? Le Heartland Institute, qui était un fer de lance climato-sceptique et qui, 10 ans plus tôt, critiquait toute régulation, réglementation de l'économie au nom de l'urgence climatique. Et donc, c'est intéressant, quand on étudie la controverse, si on s'arrête à un niveau, disons au niveau d'un énoncé, on peut dire eux, ils sont pas d'accord avec la sévérité du virus. Mais si on voit que ce sont, disons, des dénégateurs professionnels depuis 20 ou 30 ans et que chaque fois qu'il y a un sujet environnemental, ils émettent toujours la même petite musique, on peut dire que l'objet de leur controverse à eux, c'est pas l'objet du cœur de la discipline scientifique qui s'interrogeait à l'époque sur la létalité du virus, sur sa cinétique éventuellement sur les remèdes et les réponses qui étaient à apporter. Donc faut rentrer dans le détail et c'est l'intérêt de l'histoire et de la sociologie des sciences, je pense. Mais si je suis un simple citoyen, ce qui est le cas, je vois qu'une controverse a lieu dans l'espace public. Comment est-ce que je peux savoir si la controverse en question est instrumentalisée ou si c'est simplement une controverse scientifique classique? Il y a forcément un principe de déférence, c'est-à-dire qu'on doit se reporter à des gens qui sont plus experts que nous et qui peuvent éventuellement, éclairer ce débat. Je pense qu'il y a plusieurs points dans votre question. Déjà, il ne faut pas se hâter de clore les controverses quand elles sont encore vives. parfois, certaines questions sont encore ouvertes. La science n'a pas, ou même différents programmes de science n'ont pas encore répondu à la question. Et donc, il ne faut pas proclamer la course finie avant qu'elle ait eu lieu. Alors même que des organes de presse ou de, disons, d'information en continu voudraient arriver tout de suite, parfois, à une conclusion. Mais c'est pas ce qui se passe. En général, les gens prennent parti avant même que la controverse se soit précisé. Oui, mais justement, je pense qu'il faut arriver à vivre avec la controverse, avec le fait qu'à un moment donné, toutes les questions ne sont pas fermées, même si c'est insupportable parfois, parce que bah, là, on avait le virus qui tuait, enfin qui semblait représenter une menace vitale. Donc ça, c'est je me limiterai peut-être à ce point-là. C'est vraiment un point extrêmement important. Après, je pense une fois qu'on a admis l'idée que parfois, les choses sont ouvertes pendant un certain temps, restent des questions vives pendant un certain temps. Il me semble qu'une question de bon sens, c'est de regarder qui travaille sur ce genre de questions depuis 20, 25 ans. Parfois, c'est le temps qu'il faut pour être directrice de recherche hein, dans les gros organismes. Qui a vraiment publié sur cette question? Ça ne veut pas dire, disons, croire mordicus à tout ce que ces personnes vont dire. Mais disons, le risque réputationnel qu'elles prennent en disant quelque chose est beaucoup plus grand que quelqu'un qui arrive de l'extérieur du débat et qui va prendre, disons, un avis définitif sur ces questions-là parce que il ou elle connaît un peu les statistiques, parce qu'il a fait de l'économie, par exemple. Vous voyez ce genre de choses. Oui, mais dans les faits, on voit qu'il y a, sur les questions, par exemple, de climat, on voit qu'il y a une certaine décorrélation entre la militance et la compétence. Oui, c'est ça. Et donc la compétence, ben, il me semble que voilà, on a quand même des signes qui sont pas des signes sûrs et certains, mais voilà, quelqu'un qui engage une parole, qui mène une recherche depuis plusieurs décennies, une recherche publiée, discutée par les pairs, c'est une question, c'est une voie à prendre en considération qui est pas infaillible, parce que là aussi, la publication est pas infaillible. On l'a vu notamment, il y a eu beaucoup de discussions autour de certaines revues. dont la rédaction en chef était en situation de suggestion hiérarchique par rapport à certains des chercheurs qui étaient publiés. Voilà, c'est comme toute pratique humaine, la publication et la recension par les pairs, c'est pas une pratique infaillible, mais c'est quand même un signe. Ce sont des voix qui méritent d'être entendues en tout cas. Mais est-ce qu'on peut être un spectateur impartial de la connaissance? Qu'est-ce que ce serait d'être un spectateur impartial de la connaissance et totalement indifférent à l'essor des connaissances, au fait que... C'est être à la fois passionné et s'en fiche. Impartial, d'accord, je l'entendais comme beaucoup plus... Oui, mais bon, si on est habité par une curiosité intellectuelle, il me semble que ça prend une dimension vitale. Même ce qu'on peut apprendre sur des choses extrêmement abstraites, des sujets sur lesquels je vous ai entendu parfois, la gravitation, la question du vide, la question de la matière, ce sont des questions qui peuvent nous animer et nous habiter. Et donc, je dirais pas qu'on... Ah oui, on est impartial au sens où on va pas forcément prendre parti spontanément pour une théorie plutôt qu'une autre. Mais en tout cas, je pense qu'il y a l'intérêt, la curiosité intellectuelle à l'égard des sciences, c'est une grande dimension de la vie humaine et qu'il ne faut pas minorer. Je pense que vous évoquiez le festival de Florence tout à l'heure. On a eu un exemple intéressant. Moi, je ne le connaissais pas, mais pendant une semaine, vous avez un public entre 500 et 1000 personnes qui assistent toutes les journées à des conférences d'astronomie ou sur la matière. Et même des marathons de conférences. Oui, des marathons. 12 heures de conférences défilées. Je trouvais que ça avait quelque chose de fortement réjouissant. Non pas que je sois inquiet, mais le fait que ce type de manifestation génère et fidélise un public sur le long terme, je pense que c'est aussi une réponse à la question que vous me posez. C'est-à-dire que peut-être on va être impartial au sens où on ne va pas prendre parti, avant d'avoir étudié la question, mais il y a une forme d'appétit pour les sciences. Nous sommes peut-être impartiaux, mais certainement pas indifférents. Mathias Girel, pour conclure, on va pas conclure tout de suite, on a quelques minutes, mais j'ai signalé en vous présentant que vous êtes membre du comité d'éthique du CNRS qui a publié il y a quelques semaines, je crois, un rapport qui s'intitule « Entre liberté et responsabilité, engagement public des chercheurs et chercheuses ». Alors c'était quoi la question qui vous a mobilisé. Je crois que c'était une auto-saisine hein, de la part de ce comité. Oui, alors juste avant de vous dire un mot de ça, moi je faisais partie du groupe du travail. Je n'ai pas autorité, disons, à me prononcer au nom du COMETS. Je ne le fais pas dans ce cadre-là. Mais le rapport est public. Le rapport est public. Il a été très bien présenté par notre présidente Christine Noiville. Et le groupe de travail était animé par Éric Guillardy, Virginie Courtier. Cela dit, je peux vous dire voilà la tonalité générale de ce rapport, qui était de s'interroger sur les conditions, disons, d'un engagement responsable des scientifiques, chercheuses, chercheurs qui pensent que leurs connaissances peuvent être utiles pour le débat public, pour éclairer le débat public, à quelles conditions ils peuvent ou elles peuvent le faire. Et disons, une des tonalités, une des conclusions du rapport, c'est que c'était en rien incompatible avec une vie de recherche. Ce qui est incompatible, ce sera un engagement qui fait fi des devoirs ou des normes de l'intégrité scientifique, c'est-à-dire de la connaissance fiable, de la connaissance bien faite. Mais en tout cas, il me semble que le rapport défend une grande liberté de ce point de vue-là et donc précise à quelles conditions cet engagement peut se faire. Nous, c'est une question qui nous semblait importante parce que nous étions alertés ou interpellés par nombreux collègues, notamment en sciences du climat, mais pas simplement. Ils se demandent s'ils ont le droit d'intervenir publiquement. Qu'est-ce que je peux faire ? On me pose des questions, je sens que ce sur quoi je travaille pourrait être utile pour éclairer telle question qui est discutée en politique ou dans le débat public. Est-ce que je peux prendre la parole ? Est-ce que je peux sortir de mon laboratoire pour dire quelque chose ? Et donc, on a essayé de clarifier un petit peu, disons, les conditions de prise de parole dans l'espace public et on l'étend aussi aux organismes. Certains s'engagent ou annoncent un engagement, mais dans ce cas-là, on dit qu'il est bien aussi de préciser quelles sont les valeurs mises en jeu, au nom de quoi on parle, et donc qu'il y ait un peu des contraintes équivalentes au niveau collectif et au niveau individuel. Donc c'est une défense de la liberté. De s'engager ou bien de ne pas s'engager, on a le droit. Pas s'engager, effectivement, vous avez bien lu notre rapport. Ah, j'ai tout lu. On n'est jamais forcé de s'engager. Alors, il y a peut-être une petite clause qui est que parfois on se retrouve catapulté dans le débat public alors même qu'on s'en passerait bien. Je reviens à l'exemple des sciences du climat. Là, on a vu récemment sur le réseau qui s'appelait Twitter auparavant et qui s'appelle autrement aujourd'hui, des chercheurs, des chercheuses prises à partie. Ils n'ont pas forcément choisi de s'engager au départ, mais ils peuvent se retrouver au milieu d'un maelstrom médiatique et on ne décide pas toujours des modalités de son engagement. Et dans ce cas-là, c'est intéressant d'avoir des règles quand même, des repères. Mais est-ce qu'une des formes premières de l'engagement, ça n'est pas la diffusion des connaissances ou ce qu'on appelle la vulgarisation scientifique? Moi, je serais assez... Alors, on sort du rapport, là, je ne vous prononce plus, je ne parle même plus en tant que membre... Je le pense, à titre... Ça n'est pas dit dans le rapport, ça n'est pas cité, mais je pense que ça fait partie d'une forme d'engagement public. Je pense que tout ce qui concourt à éclaircir des questions générales et des questions de connaissances en particulier a une vertu citoyenne, politique, qui constitue une forme d'engagement. Et très concrètement, pour un chercheur, c'est un engagement très concret. Ça veut dire que pendant ce temps-là, il ou elle ne sera pas en train de publier des articles dans des revues à comité de lecture, parfois plus valorisants pour certaines carrières, quand on est engagé là-dedans. Et donc, parfois, c'est un vrai choix qui a un coût réel, mais qui n'en est pas moins valeureux. Donc je pense tout à fait qu'il y a une forme d'engagement. Simplement, disons, cette forme d'engagement posait moins de problèmes ou de discussions ou de cas de conscience à nos collègues que ceux qu'on a évoqués plus haut. Mais est-ce que les controverses, pour revenir à elles, sont des sortes de vecteurs pédagogiques ? Autrement dit, est-ce que le fait qu'une controverse ait lieu dans le débat public fait que le niveau de connaissance de la population, de fait, augmente si cette population s'intéresse à la controverse ? Par exemple, si on prend l'exemple du climat qui nous a beaucoup servi pendant cette heure, est-ce que le nombre de gens capables de dire ce qu'est l'effet de serre augmente du fait qu'il y a une controverse ? Et là, c'est plus des questions de tempérament. J'aurais tendance à être optimiste pour clore cette émission. Et je pense que, en tout cas, si on peut développer les points de la controverse de manière apaisée et sereine, c'est possible. Je pense que les types d'incertitudes qui sont liées au réchauffement climatique sont beaucoup mieux compris qu'il y a 10 ans. pas d'incertitudes fortes sur le principe général du forçage climatique, peut-être des incertitudes locales, qui sont d'ailleurs très bien étudiées par la science. Je pense que maintenant, ce type de notion est davantage maîtrisé qu'auparavant. Mais ça fonctionne que si des voix arrivent à reprendre les termes de la controverse pour les clarifier de manière détendue, pour les réexpliciter. Pas si on est sans arrêt dans quelque chose qui est plus de l'ordre du désordre, de la confusion ou de la querelle. Une dernière question à 100 balles, Mathias Girel. Ouais. Vous êtes un spécialiste des controverses, en tout cas, vous semblez l'être compte tenu de ce que vous en avez dit aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez faire des prédictions? C'est-à-dire, est-ce que vous êtes capable de voir à partir de signaux très faibles des controverses futures commencer d'apparaître? Je pense pas que j'aurais ce type de don qui me permettrait de gagner les 100 les 100 balles que vous évoquez. On voit arriver des choses, enfin pour les controverses un peu disons instrumentalisées, quand on voit monter au créneau beaucoup de voix qui ne sont pas forcément spécialistes de la question, ou certains acteurs, actrices récurrents venir prendre la parole un peu vite, on peut faire des prédictions, mais il y a une balistique de ces choses-là, c'est difficile de se prononcer à l'avance. Merci Mathias Girel d'avoir accepté notre invitation en direct pour cette première émission de l'année de la conversation scientifique. Je recommande la lecture de votre livre « Science et territoire de l'ignorance » paru aux éditions Quae. Et je remercie l'équipe qui m'a aidé pour cette émission. C'était la conversation scientifique par Étienne Klein, avec la collaboration de Thierry Beauchamp, à la technique Timothée Hubert et à la réalisation Margot Page. Tout de suite, la chronique avec science d'Alexandra Delbo. Le chromosome Y livre enfin ses secrets. Ce petit bout d'ADN distingue dans la majorité des cas le sexe biologique dans notre espèce. Un doublé de X pour les femmes et un X et un Y pour les hommes, ce sont des chromosomes sexuels. La présence du chromosome Y, et surtout celle d'un gène particulier, le gène SRY, S-R-Y, va être à l'origine de la différenciation des organes sexuels in utero vers des organes mâles. En clair, c'est lui, ce gène, ce Y qui dirige. Il a donc un rôle particulier dans les 23 paires de chromosomes que comporte chacune de nos cellules, et une étude parue dans la revue Nature rapporte pour la première fois son séquençage complet. Mais si vous êtes à l'affût de l'actualité scientifique, vous savez qu'en mars 2022, le génome humain a été entièrement séquencé. Alors, était-ce faux ? Pas tout à fait. On dispose bien d'une mosaïque de plusieurs génomes humains, de multiples pièces d'un grand puzzle, mais qui n'avait séquencé qu'un seul des deux chromosomes sexuels, le X. Le chromosome Y, lui, résistait encore et toujours au décryptage, et ce, pour des raisons de technique de séquençage, mais également à cause de sa nature même. Thomas Lenormand est généticien de l'évolution à Montpellier. Initialement, les technologies pour séquencer, était basé sur des tout petits fragments d'ADN. Imaginez que vous ayez une version d'un livre en plein d'exemplaires et qu'ensuite, il y ait quelqu'un qui découpe chaque page, chaque phrase et pour qu'il y ait 100 caractères à peu près. Donc, on a tous ces morceaux en tas et il faut reconstruire le livre. Et donc, il faut voir où est-ce qu'il y a des phrases qui se complètent. C'est une sorte de puzzle géant. Mais le problème, c'est qu'il y a des zones du génome où en fait, il y a énormément de répétitions. C'est comme si on avait un chapitre du livre, donc c'est par exemple le chromosome Y, c'est un chapitre de ce livre dans lequel il y avait des phrases qui étaient répétées plein de fois, les mêmes, ou avec très peu de différences. Donc quand on a une technologie de séquençage qui consiste à séquencer des tout petits fragments de l'ordre de la centaine de paires de bases, la reconstruction va être quasi impossible. Ou en tout cas, on va faire quelque chose, mais ça va être truffé d'erreurs. Alors qu'en fait, là, ce qui s'est produit ces dernières années, c'est que les technologies de séquençage se sont beaucoup améliorées. Et en particulier, on arrive à faire du séquençage sur ce qu'on appelle long fragment. Là, on arrive à lire des pages entières d'un coup, si vous voulez. Le chromosome a donc pu être lu en intégralité et cela marque symboliquement la fin du séquençage humain. Mais il reste un problème. Ce petit bout d'ADN est 3 fois moins grand que son voisin, le X, et contient 10 fois moins de gènes. Et parce qu'il est très différent, il accumule des petites variations, des mutations. Et parce qu'il accumule des mutations, il diverge encore plus. Donc, plus il est différent, plus il devient différent. On dit qu'il ne recombine plus et qu'il dégénère. Le chromosome Y, petit à petit, se raccourcit et la nature nous a appris qu'on peut s'en passer. De nombreuses espèces sont dépourvues de Y, c'est le cas de certains insectes, des mollusques, des crustacés et des poissons, et même dans de très rares cas, des mammifères. Alors, notre chromosome Y est-il voué à disparaître ? Il y a des scénarios dans lesquels le Y pourrait disparaître. Mais dans le cas des chromosomes mammifères, déjà on le sait que c'est très très rare, parce qu'on a plein de mammifères sous la main qu'on peut étudier et ça arrive très très très très peu. Puis parce qu'on sait qu'il y a le gène SRY qui doit être maintenu pour le moment, tant qu'il n'y a pas un autre système qui évolue pour remplacer cette détermination du sexe, ça va être très difficile de faire disparaître cette SRY sans que ce soit délétère. Et puis on sait aussi par ailleurs que sur le Y, il y a quand même d'autres gènes, il n'y a pas que SRY, il y a une centaine de gènes maintenant. Donc, et dans tous ces gènes-là, il y a beaucoup de gènes qui ont un effet spécifique chez les mâles. Et donc, ce n'est pas des gènes qui vont dégénérer de la même manière, parce que ces gènes sont présents que sur le Y, qui fonctionnent que chez les mâles, donc ils dégénèrent plus ces gènes. Et donc, on n'a aucune raison de penser qu'ils vont disparaître. Et donc, on n'a aucune raison de penser qu'à court terme, le Y va continuer à dégénérer pour les gènes qui restent dessus. Le Y ne disparaîtra pas, du moins dans les prochains millions d'années. Les recherches sur ce chromosome ne s'arrêtent pas pour autant. Une seconde étude, publiée conjointement, dévoile l'existence d'une centaine de nouveaux gènes qu'il va falloir aller explorer pour comprendre un peu qui fait quoi, quels sont les gènes qui relèvent d'un caractère sexuel, s'ils sont associés à des troubles ou encore s'ils varient au sein de la population.